Anakin Skywalker, j'fais le bruit de 4 moteurs. J'n'ai que de la glace dans le cœur. Le savoir est dans le holster. Anakin Skywalker, j'leur mets les doigts dans le toaster. Allez entendre, c'est tous des 6 gros, ouais. Au quartier sans même pas poster. Anakin Skywalker, ma bitch veut boire du syrup. J'suis rentré dans sa charac, comme si j'rendrais sur Skyrock. Anakin Skywalker, pourquoi ils ne s'occupent pas de leur surf? Rêve de savoir combien je ferai la première semaine pendant que j'éclate leur surf. Ouais Renoir, tu te rappelles de moi, je sais que tu te rappelles de moi. Ça gagne la Cornell, y'a pas d'API N. Loyer sur le poignet, who the fuck is APN? Ouais Renoir, tu te rappelles de moi, je sais que tu te rappelles de moi. J'ai grandi dans le 9-3 avec des voyous. Tiens cette michto que j'suis pas André Ayou. Qui a dit que j'arriverais pas, m'a pas cru, m'a pas aidé. M'a pas cru, m'a pas aidé. Pauvre, je l'ai été. Si tu me cherches, allume ta télé. Qui a dit que j'arriverais pas, m'a pas cru, m'a pas aidé. M'a pas cru, m'a pas aidé. Pauvre, je l'ai été. Si tu me cherches, allume ta télé. Auquel Renoir est soigné, ouais, style inimitable. J'ai grandi dans la ville où les skinny niggas die. Où les skinny bitches ride, avec un schlass dans la poche. Rêve d'un harem plein de simili Nicki Minaj. Des casiers judiciaires dans l'équipe. J'suis un des seuls à être resté clean. J'suis pas d'humeur à sucer des dicks. Non homo, y'a pas de youtubeur dans mes clips. J'croise les doigts pour que tu t'étouffes avec des bretzels. Vont tous slipper au Japon, direct qu'ils sont dans le 13ème. Bah Renoir, ça fait longtemps que j'suis dedans. Quelques avances, j'avais déjà du bif à 19 ans. Ma prof me demandait pourquoi je ne viens pas. J'lui ai dit que j'étais avec Ayam à l'Olympia. J'sais pas, j'rêve de combien. Tout ce que j'sais, c'est que j'sais pas écrire cette somme en chiffres romains. À 18 ans, j'étais dans les bacs en Indé. J'n'ai rien inventé, ce ne sont que des faits. Lisa Anne voulait me déshabiller. J'n'ai rien inventé, ce ne sont que des faits. New York avec Cavani en plein été. Non, j'n'ai rien inventé, ce ne sont que des faits. J'me suis barré de là où tu rêves de signer. J'n'ai rien inventé, ce ne sont que des faits. Se faire de l'argent, essayer de toujours rester. Tu sais, dans cette lumière éblouissante, sous les feux des projecteurs, dans la boîte, et dans tous ces autres trucs qu'on fait, on essaie de se cacher. On essaie, c'est tout. Mais c'est la vie. Tu comprends? Je veux dire, dans cette façon de vivre, dans ce bise, y a pas de sentiment, pas d'amour, on n'a rien à dire. Ouais, Renoir, tu te rappelles de moi. Je sais que tu te rappelles de moi. Ça gagne de la Cornell, y'a pas d'API N. Loyer sur le poignet, who the fuck is APN? Ouais, Renoir, tu te rappelles de moi. Je sais que tu te rappelles de moi. J'ai grandi dans le 9-3 avec des voyous. Tiens cette michto que j'suis pas André Ayou. Qui a dit que j'arriverais pas, m'a pas cru, m'a pas aidé. M'a pas cru, m'a pas aidé. Pauvre, je l'ai été. Si tu me cherches, allume ta télé. Qui a dit que j'arriverais pas, m'a pas cru, m'a pas aidé. M'a pas cru, m'a pas aidé. Pauvre, je l'ai été. Si tu me cherches, allume ta télé.